danse pour garçons et filles. C'est une danse pas très difficile. Couche-toi par terre et puis frétille, comme si partout tu avais des aiguilles. Danse avec moi comme une tranche de bacon. Danse avec moi comme une tranche de bacon. Couche-toi sur le ventre et tape par terre. Tu peux même rouler dans la poussière. Essaie de bouger comme un ver de terre en ayant toujours l'air en colère. Danse avec moi comme une tranche de bacon. Danse avec moi comme une tranche de bacon. Comme du bacon dans une poêle chaude, on bouge les jambes et les épaules. Et si tu veux vraiment t'amuser, tu peux même pleurer ou crier. Danse avec moi comme une tranche de bacon. On danse avec moi comme une tranche de bacon.